Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 33. Du Père. Le Père est principe. Signification de ce mot. Il est propre au Père d'être non engendré. 1. Peut-on dire que le Père est principe? Le Père, dit saint Augustin, est le principe de toute la divinité. Le Père est principe, puisque le Fils et le Saint-Esprit procèdent de lui. Note. Les Grecs appliquent indifféremment au Père le mot cause et le mot principe, mais les Latins n'emploient pas le mot cause, qui leur semble impliquer davantage diversité de substance et subordination. Fin de la note. 2. Le mot Père est-il le nom propre d'une personne divine? Le nom propre est celui qui distingue une personne de toute autre. Or la première personne divine se distingue des deux autres par la paternité. Par conséquent, le nom propre de cette personne est celui-là même qui exprime la paternité, c'est-à-dire le mot Père. Le mot Père, appliqué à la créature, désigne simplement une relation de la personne et non une relation subsistante, mais, en Dieu, la relation personnelle est subsistante dans la nature divine, et c'est pour cela qu'elle constitue une personne. Par où l'on voit que la génération, et par conséquent la paternité, est plus parfaite en Dieu que dans les créatures. Aussi l'apôtre a-t-il dit, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. Éphésiens 3:14. 3. Le mot Père se dit-il en Dieu de la personne, avant de se dire de la nature divine? Le mot Père se dit relativement au Fils, avant de se dire de la nature divine à l'égard des créatures, car le Fils de Dieu possède la filiation dans toute sa plénitude, et Dieu le Père a pareillement la plénitude de la paternité à son égard, au lieu que les créatures, qui n'ont pas la nature divine, n'ont par rapport à Dieu qu'une filiation par similitude. Dieu, en effet, n'est leur Père que par analogie avec la vraie paternité, analogie qui est d'autant plus grande qu'elle se rapproche davantage de la vraie filiation et de la parfaite ressemblance. Ainsi Dieu est appelé Père des créatures irraisonnables, par simple ressemblance de vestige. Qui est le Père de la pluie? Job 38-28. Des créatures raisonnables, par ressemblance d'image? N'est-ce pas le Père qui t'a créé? Deutéronome 22, 6. Des hommes qu'il a adoptés pour ses enfants, par ressemblance de grâce, nous sommes les enfants de Dieu, ainsi que l'Esprit Saint l'atteste à notre esprit. Or, si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Romains 8, 6. Des élus, par ressemblance de gloire, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des enfants de Dieu. Romains 5, 2. Il est donc évident que la paternité à l'égard du Fils passe avant la paternité de la nature divine par rapport aux créatures. Dans cette parole, notre Père, que nous adressons à la Trinité, c'est-à-dire à la nature divine, nous ne parlons qu'en vertu de notre ressemblance et de notre participation à la filiation du Fils, qui procède du Père avant tous les siècles. 4. Est-il propre au Père d'être non engendré? La notion propre du Père, son caractère distinctif, c'est de ne procéder d'aucune personne, c'est-à-dire d'être non engendré. Il y a dans les choses créées des principes premiers et des principes seconds, il y a pareillement dans la Trinité un principe sans principe, le Père, et un principe issu d'un principe, le Fils. Or, Dans les choses créées, le premier principe se révèle de deux manières. D'abord, comme principe premier, par ses rapports avec ce qui vient de lui. Ensuite, comme premier principe, qui ne vient d'aucun autre. Il en est ainsi du Père dans la Trinité. Il se notifie d'abord par la paternité et l'aspiration commune relativement aux deux personnes qui procèdent de lui, puis, principe sans principe, il se révèle sous ce rapport par l'inascibilité, et c'est ce qu'exprime le qualificatif non engendré, qui lui est propre. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.